Chapitre 2. Le raccourci. En vérité, tandis qu'Ophélie montait discrètement l'escalier avec le grand-oncle, la tante Roseline et son écharpe, elle n'avait pas la moindre idée de la façon dont Archibald avait débarqué ici, en pleine fête animiste, ni pourquoi il lui avait donné rendez-vous dans des toilettes. « Vous partez », lui avait-il déclaré. S'il projetait de lui faire quitter Anima, n'aurait-il pas été préférable de se retrouver à l'extérieur, le plus loin possible de la foule et des doyennes ?« Vous auriez dû garder le stand ?» murmura Ophélie. « Dès qu'on s'apercevra qu'il n'y a plus personne au gouffre, on va nous chercher. » Elle s'était adressée à la tante Roseline qui trimbalait sous ses bras tout ce qu'elle avait pu emporter dans la précipitation du départ. « Tu n'es pas sérieuse ?» s'indigna celle-ci. « S'il y a la moindre chance de repartir pour le pôle, je viens avec. » « Et votre travail à l'atelier, ce que vous me disiez sur les vers et les moisissures ?»« Ce sont des serpents et des dépravés que Bérénilde affronte seule depuis notre départ. Elle a bien plus de valeur à mes yeux qu'une feuille de papier. » Ophélie sentit son cœur bondir en apercevant Archibald à l'autre bout de l'entresol. Il attendait tranquillement devant la porte des cabinets, enveloppé dans une vieille pèlerine rapiécée, son haut de forme posé de travers. Il n'essayait même pas de se cacher, ce qui n'aurait pourtant pas été une précaution superflue. Même vêtu comme un vagabond, il était le genre d'homme à attirer les regards, ceux des dames en particulier. « C'est ni un piège, au moins !» maugréa le grand-oncle en retenant Ophélie par l'épaule. « Ce gaillard-là, c'est du fiable !» Ophélie jugea préférable de ne pas se prononcer sur ce point. Elle faisait confiance à Archibald dans une certaine mesure, mais ce n'était pas non plus l'homme le plus vertueux de sa connaissance. Elle s'avança sur la passerelle de l'entresol en évitant de se montrer à la balustrade. D'ici, elle ne voyait plus des festivités qu'une mer houleuse de chapeaux et de cadrans d'horloges. Ça se donnait l'heure, ça remontait sa montre, ça se souhaitait joyeuse toquante. « Je vous avais prévenu, Madame Thorne, » lança Archibald en guise de bonjour. « Si vous ne venez pas au pôle, le pôle viendra à vous. » Il ouvrit la porte des toilettes comme il l'aurait fait avec la portière d'un carrosse et, d'un geste ample, les invita tous à y entrer. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cet individu ?» Essoufflé d'avoir gravi l'escalier à la hâte, sa girouette braquée sur eux, la rapporteuse venait d'atteindre l'entresol en catastrophe. « Entrez vite !» dit Archibald en poussant Ophélie à l'intérieur. La tante Roseline et le grand-oncle se précipitèrent à sa suite et dérapèrent sur le carrelage, cherchant une issue de secours. Il n'y avait que des urinoirs autour d'eux. Ophélie aurait voulu demander à Archibald par où ils étaient censés s'enfuir. Malheureusement, il était trop occupé à empêcher la rapporteuse d'entrer à son tour. Elle avait été si rapide qu'elle avait réussi à bloquer la porte avec l'une de ses bottines. « Très chère mère !» appela-t-elle d'une voix suraiguë. « Elle essaie de s'échapper, faites quelque chose !» Ces paroles déclenchèrent l'apocalypse à l'intérieur des toilettes. Les urinoirs, les cuvettes et les lavabos se mirent à dégorger leurs eaux dans d'abominables borborygmes. L'animisme des doyennes était déjà à l'œuvre. Tous les établissements publics obéissaient à leur volonté. La halle du marché artisanal ne faisait pas exception. « Nous ne pourrons pas rester indéfiniment ici !» lança Ophélie à Archibald par-dessus le vacarme des eaux. « Quel est votre plan ?»« Fermez cette porte !» Il avait déclaré cela sans se départir de son sourire, comme si tout ceci n'était qu'un léger contretemps. « Et après ?» insista-t-elle. « Après, vous serez libre. » Ophélie ne comprenait pas. Elle fixa la main de la rapporteuse qui venait de se glisser dans l'entrebâillement de la porte. Elle connaissait assez Archibald pour savoir qu'il ne casserait jamais les doigts d'une dame. « Pousse-toi, bonhomme !» grogna le grand-oncle. « Je fais mon affaire de cette enquiquineuse. Aide la gamine à filer !» Sur ces mots, il sortit en trombe des toilettes, entraînant la rapporteuse dans son élan. Archibald claqua la porte et le silence s'abattit avec elle. Un silence surnaturel, incompréhensible. Les eaux avaient cessé de se déverser des tuyauteries. On n'entendait plus les cris de la rapporteuse. Tous les tic-tacs de la fête s'étaient interrompus. Ophélie en arriva à se demander si Archibald n'avait pas arrêté le temps. Quand ils ressortirent, il n'y avait plus ni entresol, ni grand-oncle, ni rapporteuse, ni halle. À la place se tenait une boutique déserte où l'on devinait des rangées d'étagères vides. À en juger par la puissante odeur de poussière, ce commerce était fermé depuis longtemps. « Attention à la marche !» avertit Archibald. Ophélie et la tante Roselyne quittèrent précautionneusement les toilettes qui étaient un peu surélevées par rapport au sol de la boutique. Elles en comprirent la raison en jetant un regard en arrière. Elles venaient de sortir d'une armoire. « Comment avez-vous réussi un tour pareil ?»« J'ai invoqué un raccourci, » dit Archibald comme si cela coulait de source. « N'y voyez rien de magistral, il est éphémère. Constatez par vous-même. » Il referma puis rouvrit la porte de l'armoire. De vieux bibelots avaient remplacé les toilettes pour hommes. C'était à se demander comment trois personnes avaient pu sortir d'un meuble aussi exigu. « La halle a retrouvé ses cabinets, » commenta Archibald avec une expression réjouie. « Imaginez la tête de cette dame à la girouette lorsqu'elle ne nous y trouvera pas. » Ophélie essora son écharpe trempée et entrebâilla les rideaux de la vitrine. Le verre était embué, mais elle devina une petite rue pavée, en partie enneigée, remplie de passants emmitouflés qui s'efforçaient de ne pas glisser. Plus bas, sous un ciel blême, une péniche se mouvait lentement sur l'eau à moitié gelée d'un canal. « Je reconnais cet endroit, » dit la tante Roselyne par-dessus son épaule. « Nous ne sommes pas loin des grands lacs. » Ophélie fut un peu déçue. Leur fuite avait été si prodigieuse qu'elle avait espéré un instant avoir quitté Anima. « Comment avez-vous réussi un tour pareil ? » insista-t-elle. Archibald était un homme plein de ressources, capable de s'infiltrer dans la tête des gens comme dans le cœur des dames. Mais ça défiait l'entendement. « C'est une longue histoire, » dit-il en fouillant les poches trouées de sa pèlerine. « Figurez-vous que je me suis découvert de nouvelles possibilités, de nouvelles ambitions et de nouvelles amours. » Il avait déclaré cela en sortant triomphalement un trousseau de clés. Ophélie l'observa dans le demi-jour de la boutique. La dernière fois qu'elle l'avait vu sur l'embarcadère de la Cité à Ciel, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, un soleil brillait dans le ciel de ses yeux, et cet éclat-là était d'une nature très différente de l'insolence aigre-douce qui le caractérisait avant. Ophélie se contracta malgré elle. Était-ce bien Archibald qu'elle était en train de suivre ainsi ? Elle n'avait pas eu affaire à Dieu depuis leur confrontation dans la prison de Thorn, mais elle n'oubliait pas qu'il pouvait prendre n'importe quel visage. « Comment saviez-vous où me trouver ?»« Je ne le savais pas, » rétorqua Archibald. « Je viens de passer 2 heures dans un ferry glacial et une de plus à demander mon chemin dans les rues de votre petite vallée. Quand j'ai enfin localisé la maison de vos parents, vous n'y étiez pas. Je ne peux invoquer de raccourci qu'entre 2 endroits que j'ai déjà visités. « Vous m'avez donné du mal, si ces dames veulent bien me suivre, » enchaîna-t-il en se dirigeant vers l'arrière-boutique. Mais Ophélie n'avait plus tellement envie de se précipiter. « Pourquoi nous avoir amenés ici ?»« Bérénilde est-elle avec vous ?» demanda la tante Roselyne à son tour. « Et Thorn ?» ne put s'empêcher d'ajouter Ophélie. « Tout doux, tout doux !» s'esclaffa Archibald. « Je vous ai amené ici parce que c'est ici que je suis arrivé. Mes invocations de raccourci ont leurs limites. Cette chère Bérénilde n'est pas avec moi, non. Elle ne sait même pas que je suis là. Et elle me découpera en rondelles si je ne rentre pas bientôt au pôle, » dit-il en consultant l'heure. « Quant à l'insaisissable Monsieur Thorn, nous n'avons reçu aucune nouvelle de lui depuis son évasion. » L'espoir qui s'était emparé d'Ophélie en retrouvant Archibald retomba comme un soufflet. L'espace d'un fol instant, elle avait pensé que c'était Thorn lui-même qui était à l'initiative de cet enlèvement. Elle eut un regard circonspect pour l'arrière-boutique où Archibald s'était introduit. Elle paraissait abandonnée depuis plus longtemps encore que la devanture. « C'est ici que vous êtes arrivé ? Je ne comprends pas. » Archibald essaya plusieurs clés dans la serrure avant de provoquer un déclic sonore. « Après vous, mesdames !» Contrairement à ce qu'Ophélie s'était imaginé, le passage ne donnait pas sur une cave, mais sur une rotonde aussi vaste qu'un hall de gare. Des hauts vitrages de la coupole émanait une lumière diaphane, presque irréelle. Le sol était entièrement composé d'une immense mosaïque. Elle représentait une étoile, dont les 8 branches pointaient vers des portes positionnées comme les points cardinaux. Cet endroit était aussi grandiose que la boutique attenante était miteuse. Plusieurs écriteaux en argent plaqué reprenaient le même slogan. « Nous vous souhaitons un bon passage de porte. Une rose des vents, murmura Ophélie. Et à en juger par son envergure, il s'agissait d'une interfamiliale. C'était la première fois qu'Ophélie posait les pieds à l'intérieur de l'une d'entre elles. Dommage que ce fût juste après avoir été arrosée par les eaux de toilette. Elle produisait à chaque pas un bruit spongieux qui n'était pas du meilleur effet. J'avais entendu dire qu'il y en avait sur Anima, mais je n'y croyais qu'à moitié. Même si Ophélie ne parlait pas fort, la mosaïque et les vitrages firent voler le son de sa voix à travers toute la rotonde. « Il n'y en a qu'une seule, » précisa Archibald en verrouillant la porte derrière lui. « Et comme toute rose des vents qui se respecte, son emplacement est confidentiel. Ça m'aurait arrangé que celle-ci se trouve un chouïa plus près de chez vous. » Au centre de la rotonde se dressait un comptoir sur lequel Ophélie fut étonnée de trouver une petite fille. Étendue sur le ventre, elle dessinait avec la plus grande application. Elle était si silencieuse qu'elle passait presque inaperçue. « Mesdames, vous avez sous les yeux mes nouvelles possibilités et mes nouvelles ambitions, » déclara Archibald avec un geste possessif pour la salle entière. « Quant à mes nouvelles amours, les voici. » Il souleva la fillette du comptoir et se mit à la brandir comme un trophée. « Ma petite Victoire, permettez-moi de vous présenter votre marraine et la marraine de votre marraine. » Sous l'effet de la surprise, la tante Roseline lâcha toutes les affaires qu'elle avait emportées, parapluie, manchon, châle et spatule à gaufre. « Nom d'une poussette ! La gamine de Bérénilde ! Son portrait craché avec ça !» Émue, un peu intimidée aussi, Ophélie considéra la fillette qui écarquillait sur elle de grands yeux clairs. Les yeux de Bérénilde. Pour le reste, Victoire tenait en réalité davantage de son père. Son visage était d'une pâleur féerique et ses cheveux, anormalement longs pour son âge, paraissaient plus blancs que blonds. Elle avait aussi cette curieuse façon d'entrouvrir la bouche sans émettre un seul son qui rappelait les interminables silences de Farouk. Elle ne sait encore ni parler ni marcher, les prévint Archibald en secouant Victoire, comme s'il s'agissait d'une poupée phonographe dont le mécanisme serait défectueux. Son pouvoir familial ne s'est pas encore déclenché non plus, mais... N'allez pas la croire stupide. Elle comprend déjà plus de choses que toutes mes ex-sœurs réunies. La tante Roseline fronça des sourcils suspicieux. Bérénilde sait-elle au moins que sa fille est ici? Vous êtes toujours aussi irresponsable, s'exaspéra-t-elle en voyant s'accroître le sourire d'Archibald. « L'enfant d'un esprit de famille, c'est l'incident diplomatique que vous cherchez? Vraiment, vous ne valez pas un clou comme ambassadeur. » « Je ne suis plus ambassadeur. C'est mon ex-sœur, Patience, qui occupe maintenant cette fonction. Mon clan m'a rayé du registre des vivants depuis... Vous savez quoi ?» Archibald mima des doigts un coup de ciseau. « Ne me jugez pas trop sévèrement, Madame Roseline. » Victoire a hérité d'une mère qui voudrait la garder au berceau et d'un père qui ne se rappelle jamais son nom. C'est mon rôle de parrain de lui offrir une vie stimulante. Et n'écoutez pas toutes les mauvaises langues qui vous traitent d'attardée, jeune dame, déclara alors Archibald en engloutissant la tête de Victoire sous son vieux haut de forme. Je vous prédis, moi, que vous accomplirez de grandes choses. Ophélie se sentit traversée par une émotion brutale. Ce n'étaient pas tout à fait les paroles que le grand-oncle lui avait adressées pour ses fiançailles, mais ça y ressemblait beaucoup. Elle songea soudain que, si les doyennes ne s'en étaient pas mêlées, elle aurait pu voir grandir Victoire et agir elle aussi en véritable marraine. Elle aurait peut-être même déjà retrouvé Thorne à l'heure qu'il était. En tout cas, elle n'aurait pas passé 2 années cloîtrée dans sa chambre pendant que le reste du monde continuait de faire son chemin. Comment fonctionne cette rose des vents et jusqu'où peut-elle nous emmener? J'aimerais mettre le plus de distance possible entre les doyennes et... Le moi ne franchit pas les lèvres d'Ophélie. D'un geste théâtral, Archibald venait de tirer un rideau qui dissimulait une grande table ronde derrière le comptoir. Gaël et Renard se tenaient penchés dessus. Ils étaient occupés à prendre des notes et portaient tous deux sous leur chapka des loupes binoculaires qui les rendaient méconnaissables. Un gros chat roux, qu'Ophélie supposa être en douille, se frottait contre leurs jambes pour obtenir de l'attention, mais ils étaient si concentrés l'un et l'autre que rien ne semblait exister pour eux en dehors de la table. Du moins, Ophélie le crut-elle jusqu'à ce que Renard lui fît un clin d'œil, amplifié par la loupe, entre deux prises de notes. Avec sa carrure athlétique, ses sourcils ébouriffés et ses abondants favoris roux, il ressemblait plus que jamais à une cheminée. « Salut, patronne. On termine les calculs et on est à vous. Si on s'arrête en plein milieu, faudra reprendre tout l'itinéraire depuis le début et ça mettra mon autre patronne de mauvaise humeur. »« Arrête avec tes patronnes !» grogna Gaël, sans lever sa loupe binoculaire de la table. « Tu es un syndicaliste, parle comme un syndicaliste !»« Oui, patronne. » Plus la journée avançait, plus Ophélie se demandait si elle ne s'était pas endormie sur son stand de gaufres et si elle n'était pas en train de rêver. « Mes compagnons de voyage !» commenta Archibald, qui tenait toujours la petite Victoire en équilibre sur un bras. « Nous ne pouvons pas nous voir en peinture, mais ce détail l'a mis de côté. Nous formons une bonne équipe. Moi, je déniche les roses des vents et eux, ils les décodent. Sept des huit portes ici présentes mènent sur d'autres arches où se trouvent d'autres accès. Chaque rose des vents est en tout point semblable à celle-ci. Huit portes, un comptoir, une table d'itinéraire. Vous n'avez pas idée du nombre de passages qu'il nous a fallu franchir rien que pour venir du pôle à Anima. Et je ne parle pas des erreurs de parcours. Ophélie examina la table ronde de plus près et constata que son marbre était entièrement gravé de chiffres, de symboles et de lignes directionnelles. La carte du réseau des roses des vents évoquait le plus cauchemardesque des casse-têtes. Renard et Gaël se montraient des lignes du doigt, utilisaient des instruments de mesure, puis griffonnaient des indications. Ils ne se touchaient pas, ne se regardaient pas, ne se parlaient pas. Pourtant, à la façon dont ils se tenaient l'un près de l'autre, Ophélie sut. Elle détourna les yeux, soudain embarrassée de les observer ainsi, comme si elle était en train de s'immiscer dans leur intimité. Elle caressa Andouille, qui recherchait auprès d'elle ce qu'il n'obtenait pas ailleurs, dépitée de voir à quel point il avait grandi, lui aussi. Elle ne venait pas à bout de l'impression désagréable d'avoir manqué une marche, un escalier entier même. « Qu'est-ce que c'est, un syndicaliste ?» demanda-t-elle à Archibald. Il venait de poser Victoire, qui reprit aussitôt son dessin sur le comptoir. « Oh, une nouvelle mode de chez nous !» Repos compensateur, valorisation des salaires, diminution du temps de travail. C'est comme si la vieille île de garde était plus vivante que jamais, à mettre ses idées folles dans la tête des domestiques. Les mœurs ont bien changé depuis votre départ. Vous aussi, vous avez changé, fit observer Ophélie. Allez-vous m'expliquer comment vous vous y prenez pour invoquer des raccourcis et déverrouiller des roses des vents? Je pensais que seuls les Arcadiens en étaient capables. Archibald récupéra son haut de forme sur la tête de Victoire et le fit tournoyer autour de son doigt. « Je vous ai déjà parlé d'Augustin, mon arrière-grand-père, et de la petite amourette qu'il avait eue avec la vieille Hildegarde. Vous vous souvenez ?» Ophélie considéra Archibald avec stupéfaction. Elle se tenait toujours accroupie devant le chat, sa main suspendue en pleine caresse, sans remarquer qu'il se chamaillait maintenant avec son écharpe. « Vous et madame Hildegarde ?» Vous seriez son arrière-petit-fils, oui, ricana Archibald. Oh, c'est un scandale qui a été soigneusement étouffé. Je ne l'aurais jamais su moi-même si je ne m'étais mis soudain à réaliser des tours de passe-passe. Ça a commencé l'année dernière, par un après-midi où j'étais particulièrement mal réveillée au lendemain d'une noce dont je vous épargnerai les détails. Je me suis rendue dans ma salle de bain, j'ai atterri à la place dans les termes des courtisanes. Comme ça, dit-il en claquant des doigts, d'un bout à l'autre de la citatielle. Et puis, l'expérience s'est répétée et je me suis mis à créer des passages de plus en plus souvent. Donnez-moi une porte, un espace clos, et je vous concocte un raccourci. C'est ainsi que je suis un jour tombé sur une authentique rose des vents. Elle était dissimulée dans un pli de l'espace et j'ai... C'est difficile à décrire. J'ai ressenti sa présence, voyez-vous. Ne me demandez pas comment ça marche, mais... « Si je tourne une clé dans la serrure d'une porte à proximité d'une rose des vents, abracadabra, nous y voilà. N'importe quelle clé de n'importe quelle porte. C'est un pouvoir franchement arabiscoté que la vieille Hildegarde m'a légué là. Mais je l'adore. » Pendant qu'elle essayait de séparer le chat et l'écharpe, Ophélie dut produire de gros efforts d'imagination pour superposer le souvenir qu'elle avait de la mère Hildegarde à l'homme qui se tenait devant elle. « Et vous ne vous étiez jamais rendu compte avant ça d'une chose aussi évidente ?» intervint la tante Roselyne avec son pragmatisme habituel. Archibald tapota le tatouage en forme de larme entre ses sourcils. « C'est la rupture avec le lien de la toile qui a débloqué mon autre pouvoir familial. Il hibernait en moi, attendant patiemment son heure. « Et vous, Madame Thorne ? » demanda-t-il à brûle-pourpoint. « Qu'avez-vous fait de beau ces deux dernières années ?» Ophélie ouvrit puis referma la bouche. Archibald avait appris à maîtriser un nouveau pouvoir. Renard était devenu syndicaliste, mais elle, à quoi avait-elle employé son temps? Elle était restée prisonnière d'une interminable parenthèse. Non, c'était même au-delà de ça. Elle avait fait un pas en arrière en enfilant son ancienne peau d'adolescente solitaire. Elle avait même pris des kilos en trop par-dessus le marché. « J'ai bouquiné, » finit-elle par répondre. « Bon, on arrête là les histoires sans intérêt ?» les interrompit Gaëlle d'un ton brusque. « Il y a une question plus urgente à trancher !» Elle leva enfin le nez de la table d'itinéraire et ébroua les boucles sombres qui lui gênaient la vue. Ses yeux, hétérochromes, l'un noir comme la nuit, l'autre bleu comme le jour, étaient démesurément agrandis par sa loupe binoculaire. Ils avaient beau être différents, ils exprimèrent la même rage froide au moment de se plonger dans les lunettes d'Ophélie. « Est-ce que Dieu existe ? »